Vincent, nous avons fêté Noël à Montpellier. As-tu été gâté? Oui. Qu'as-tu reçu? Dis-moi un peu ce que tu as reçu. Le jeu pour apprendre. Et quoi encore? Voilà. Et qu'as-tu reçu encore? Un magnétophone. Sur lequel on peut parler. Parler. Et enregistrer. Enregistrer. Les histoires. Les histoires. Ou la musique. La musique. Ou la conversation. Ce que racontent les gens. L'autre année à Noël, quand Bernard et André et Laurent étaient là, qu'avions-nous fait justement ce jour-là? Nous avions enregistré une cassette. Et quand tu l'entends, qui entends-tu? La voix de qui est maintenant loin, loin, loin? Bernard. Et puis qui? André, Laura. Et Mylène, qu'a-t-elle reçu à Noël comme cadeau? Ma belle a rien reçu.